voyage. Je comptais finir l'album avec une grosse instru. Emmener dans le délire toutes les pétasses et les gosses incultes. Non, je suis là pour faire du bruit autant qu'un gros incube. Un gros sourire comme à chaque fois que tes yeux accrochent un cube. Yo, toujours le fond, la forme, sans fric et sans sa scène. CLM remix à la prod, mon pote il faut que ça scène. Ha. Putain, la confiance a pris un coup de vieux. J'garde toujours les répanes pour ceux qui disent que j'ai mis un coup de vieux. C'est pour les gars des blocs et pour les gens des paftards. J'balance mes albums gratuitement donc télécharge, bâtard. J'ai pas le permis pour ça que certains disent que j'dors dans ma vie. J'suis pas connu dans le rap mais j'suis quand même disque d'or dans ma vie. La confiance peut me buter, j'laisse les amis loin de moi. J'esquive les faux lascars, les grosses pétasses et les amis winehouse. Doloréal, musique, ça fait déjà 10 piges. J'ai tellement tué d'instru qu'on pourrait dire que le pur âme doit du bif. It's been lonely since you've been gone. I've been alone here, I've grown old. Fall to pieces, I'm falling. Fell to pieces, and I. Yes, ghetto ghetto rockstar. Platine record, MSA. Jack Spartiate, Kazdan, wesh le doc ça dit quoi, ok. Original, Bunker Bros, Doloréal, musique. Wesh Pierrot, ça dit quoi, diversion studio. C'est une affaire à suivre.